Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Movies Nerd, l'émission où on discute des films qu'on a vus durant le mois passé. Vous êtes à l'écoute de l'épisode numéro 54, enregistré le 26 février 2020. On va parler du coup des films du mois de janvier. Je ferai même plus la blague qu'on est en retard. Voilà. Je suis Axel, du coup, un des hôtes de ce podcast, mais j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés un de mes comparses, un de mes co-hôtes de ce podcast qui est Morgane. Salut! Salut! Comment tu vas? Bah ça va pas mal, effectivement on est un peu à la bourre, mais bon. J'ai envie de dire comme d'habitude. Non mais c'est surtout que c'est assez... Enfin je trouve que les films de janvier c'est toujours très compliqué parce que moi je les oublie vite en fait. Mm. Les films qu'on voit les premières semaines de janvier, c'est très compliqué. Ouais c'est donc, clair. Donc il a fallu faire appel à ma mémoire, même s'il y en a un, notamment un qui s'est pour moi un peu démarqué. Mm. Un ou deux, mais le reste a été compliqué de retrouver, de savoir qu'est-ce que j'en ai pensé ouais, en fait. Ouais c'est vrai c'est difficile. Et encore, le pire, c'est pour les tops de l'année. Hein. Mm. À la fin de l'année, se rappeler des films de janvier. Oui. Faut les revoir. Ouais. Non, mais je me rappelle d'ailleurs de 2018 ou 2017 où il y avait Hateful Eight qui était sorti justement début d'année. Et du coup, ouais. Même si je l'avais. Enfin, et d'ailleurs, je crois que je l'avais mis en premier dans mon top. Mais, Oui, mais ça, The Hateful Eight, ça fait partie des films qu'on peut difficilement oublier. Ouais, non, c'est clair. Donc, c'est clair. Mais il y a des films. Par exemple, Glass. Oui, Glass. Bah, j'avoue, c'est vrai. J'aurais pu le mettre, mais je l'avais pas tellement revu, donc bah non, je vais pas. Ouais. Ok, bah très bien. Du coup, on va faire rapidement le sommaire avant de commencer cette émission. On commencera avec la Selec, où on vous parlera dans l'ordre ou dans le désordre de 1917, de Play, d'Adoration, les traducteurs et les filles du Docteur March. On continuera ensuite avec le film du mois qui sera Jojo Rabbit. Voilà, on vous dira ce qu'on en a pensé. Et ensuite, on finira avec la Minute Nerd. Cette fois-ci, c'est à mon tour. Donc, vous verrez de quoi je vous parlerai. Ce sera assez rapide, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, voilà. Et que, du coup, j'ai l'occasion d'en parler. Donc, c'est cool. Voilà. La rétrospective, Roman Polanski. De toute façon, la Minute Nerd, c'est pas du cinéma, normalement. Donc, normalement, je suis sorti de l'auberge avec ça. Non, t'as... C'est l'intégrale littéraire de Louis-Ferdinand Céline. c'est ça. Non, en plus, ou alors la vidéo de Benjamin Griveaux. Oh, putain, on va vous la sortir. Ouais. On la mettra en lien. Tu sors tous les sujets de controverse tout de suite, comme ça c'est bah, fait. On les fait maintenant. Ouais, bah oui, comme ça c'est fait. Et puis, on va déjà parler de. Bon, Jojo Rabbit, c'est déjà pas mal comme. D'ailleurs, est-ce qu'on pourra faire. Ah bah non, film de janvier. Non, bah non, on en parlera plutôt en février. J'allais dire, est-ce qu'on fait une petite parenthèse sur les Oscars, mais non. Ce sera mieux de. De toute façon, je pense qu'on fera un parlons cinéma prochainement et on parlera de oui, ça. Oui, il y a à dire. Voilà. Vous savez que moi, c'est pas trop mon truc, mais bon, c'est vrai que c'est quand même important. Donc, on en touchera deux mots. Dans... Surtout quand Parasite a gagné l'Oscar du meilleur film, bordel ! C'est vrai. Ah, il a niqué Joker en 1917. Tu ah, mais bien. Non, mais je le sentais quand même venir. Ah non. Ah bon ? Ah non. Pas du tout. Ah non. Moi, je voyais Jojo Rabbit. Je me suis dit, c'est lui qui va gagner. Ils aiment les petits films, un peu les outsiders. Et je me suis dit, Joker, il a ses chances quand même. Mm. 1917, ça me paraît évident. Mais Parasite, je ne voyais pas gagner. Du moins, d'accord. Pas l'Oscar du meilleur film. Et encore moins, meilleur réal. Meilleur réal, ça devait être. Enfin, ça devait être. Non. Mais ça aurait pu être Sam Mendes. Enfin, logiquement. Oui, c'est vrai. Rien vu venir. C'était... Mm. Pour ça, les Césars vendredi, je pense que ça va être savoureux aussi. Ça. Mm. Enfin, je vous le donne en mille, hein, le César du meilleur film, c'est grâce à Dieu. Ok, Bah, on verra voilà. bien si tu, si tu as raison. ouais, du coup, voilà, c'est tout le programme de ce Mouisineur numéro 54. Et bah, du coup, je vous propose qu'on commence tout de suite avec la Selec. C'est parti. On est à la première rubrique de ce podcast et du coup on va vous parler de Play en premier puisque c'est un des films qui est sorti le 1er janvier 2020. Donc c'était plutôt cool. Moi je crois que je suis allé le voir le 2 ou 3 janvier donc vraiment encore dans la période des fêtes. Bah, c'est le premier film que j'ai vu cette année moi. Oui, oui moi aussi, au cinéma en tout cas. Donc, D'ailleurs rappelons qu'il devait sortir en octobre 2019. Hein. Ah bon? Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, moi, au début, je me suis dit il repart parce que machin, le film plaît pas, tout ça. En fait, pas du tout. C'est parce que de base, il était distribué par la société Mars Film, je crois. Ah oui, je crois que c'est. Ouais, ouais. Et qui a fermé pour liquidation judiciaire. Du coup, c'est Gaumont qui a racheté le truc, qui a repris le truc. Et qui, du coup, bah, la sortie a été repoussée. Et heureusement que Gaumont était là pour acheter ce film. Oui, heureusement, effectivement. Du coup. C'est un film franco-belge réalisé par Anthony Marciano. Et du coup, au niveau du scénario, c'est Anthony Marciano et Max Boublil. Ils avaient fait Les Gamins ensemble, c'est pas ça? Oui, ouais, en 2013. Voilà. Robin Desbois aussi, que je n'ai pas vu. et qui apparemment n'est pas ouf. Non, franchement, c'est pas bon du tout. Donc, voilà. Et c'est leur troisième film ensemble, si je ne me trompe pas. Et du coup, le synopsis rapidement, c'est du coup en 1993, Max, âgé de 13 ans, reçoit un cadeau de ses parents qui ne va plus le quitter, un caméscope. Dès lors, il va filmer toutes ses aventures, soirée entre amis, fête de la musique, finale de la Coupe du Monde de foot en 98, mais également les coups durs, son divorce, les décès, la tempête de 99. Et 20 ans plus tard, Max va monter le film de sa vie et ainsi revoir tous les grands moments de son existence. Voilà. Max Boublil interprète le personnage qui s'appelle Max, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Mais on se demande même si c'est pas quand même un peu autobiographique c'est... quand même. Apparemment beaucoup autobiographique avec en fait c'est un mélange des deux scénaristes donc Anthony Marciano et Max Boublil c'est un mélange de leurs deux jeunesse slash adolescence voilà donc oui et ça se sent puisque c'est très sincère en fait la façon dont c'est joué la façon dont c'est mis en scène c'est je trouve ça extrêmement sincère et du coup c'est ce qui fait le charme de ce film justement au niveau de la distribution on a aussi Alice Izaz qui interprète Emma Malik Zidi Arthur Perrier Noémie Lvovsky Alain Chabat Camille Lou du coup on a aussi les acteurs qui sont un peu moins connus mais qui jouent ces personnages là dans leur période adolescente et enfant et qui sont voilà qui sont aussi très bons. Ah, ils sont géniaux. Il y a aussi Thomas VDB que je voulais signaler quand même parce que il m'a fait mourir de rire. Donc voilà. Du coup le principe du film clairement c'est au début on voit Max qui explique qu'on va revoir sa vie parce qu'il a besoin de revoir tout ça. On ne sait pas pourquoi, on découvrira à la fin du film, on ne va pas vous spoiler le film parce que... C'est un peu évident, mais c'est, oui, voilà. C'est pas grave. Mais c'est mignon, voilà. C'est mignon. Voilà, c'est ça. Et du coup, on ne va pas vous spoiler le film parce que je pense qu'on vous invite très fortement à... Je pense bien qu'il est encore en salle ou peut-être dans les grands multiplexes. Non, malheureusement, à mon grand désespoir, le film n'a pas non plus cartonné, pas beaucoup marché. Après, il est sorti en janvier, début d'année... Un peu compliqué, je pense que pendant les vacances scolaires, il aurait peut-être eu ses chances, mais le film, C'est dommage. Parce mais que, il a quand même un gros. Il plaît. Hein. Ouais, ouais, il a un gros succès d'estime, quoi. Il plaît. Ouais, ouais. Beaucoup, c'est clair. et du coup, donc ce film commence comme ça, et après, on fait un rewind, du coup, on revient en arrière jusqu'à qu'il reçoive sa caméra. À Noël ben, de ses 13 ans, il me semble, si je me trompe pas. Donc, oui, c'est ça, ouais. À 13 ans. Donc, et puis on voit les moments importants de sa vie monter de façon un peu brutale. Mais ça fonctionne bien. Il y a des effets. Bien sûr, il y a l'effet caméscope qui suit pas mal qui fait quasiment tout le film hein, et qui fonctionne plutôt bien. Moi j'avais peur de cet effet justement parce que je trouve que souvent on essaye de retrouver ce feeling caméscope des années 80-90 et c'est assez souvent raté, je trouve. Il manque toujours quelque chose et là honnêtement ça fait assez réel quoi. On a vraiment l'impression de voir déjà au niveau du rajeunissement des acteurs, donc Alain Chabat et Noémie Lvovsky, ça fonctionne. Enfin, je trouve que ça fonctionne très bien. Et justement, je pense que c'est dû en partie au fait que l'image n'est pas propre, n'est pas elle a du grain. Il y a des petits effets de. Comme sur une VHS hein, pour ceux qui ont pu en voir. Il y a des petits effets de vidéo qui fonctionnent très bien, je trouve, et qui sont pas non plus trop. J'avais aussi peur que le réalisateur en fasse trop de ces effets, en utilise trop. Et là, c'est vraiment le bon dosage, je trouve. Donc, voilà, pour ce qui est de la partie technique, moi, je la trouve très réussie. Aussi, ben, pour ce qui est de le fait de. En fait, on a vraiment l'impression qu'ils ont filmé les événements importants, comme la Coupe du Monde de football 98. Je trouve ça impressionnant, en fait. Oui, oui. Parce que on a vraiment l'impression d'y être, alors que je pense que ça a dû être pas facile à tourner, ce genre de choses, parce qu'il faut pas être anachronique. Il faut pas qu'il y ait quelqu'un qui sorte son iPhone à un moment ou un truc comme ça, tu vois. Donc, c'est très crédible. Et c'est aussi ça qui fait que le film fonctionne très, très bien. Voilà. Du coup, pour me donner rapidement, mon avis personnellement, moi, ce film m'a énormément plu. Je crois que c'est, pour l'instant, c'est mon film préféré de cette année, clairement. J'ai énormément ri. Franchement, je crois que j'ai pas autant ri dans une salle de cinéma depuis très longtemps, depuis assez longtemps. Et c'est vraiment. C'était pas des petits rires, quoi. Vraiment, j'étais limite en train de pleurer souvent, parce que il y a énormément de blagues, de gags qui fonctionnent très bien, en fait. Il y a cette bande de potes qui sont vraiment soudés et qui, bon, il leur arrive parfois des misères et tout ça, mais ils arrivent toujours à trouver le côté positif de la chose et souvent Max, du coup, qui est le comique de la bande, trouve toujours des blagues qui sont un peu parfois un peu relou, tu vois, mais dans le contexte du film, dans le contexte de la bande de potes, je trouve que ça fonctionne à merveille. Mais c'est un film de bande de potes. Oui, hein, c'est clair. C'est exactement ça. Et c'est super crédible, ça fonctionne super bien. Et moi, les moments comiques m'ont fait exploser de rire, que ce soit quand il était. En plus, c'est entrecoupé de petits moments de. Un peu par exemple quand il va chanter il va chanter du ah putain Dorothée voilà ah oui voilà ah non c'était non, non c'était Hélène c'était Hélène pardon Hélène je m'appelle Hélène non d'accord c'est Dorothée. Non. Oh là là là désolé comme je suis pas de la génération Club Dorothée je connais pas trop non, c'est Hélène donc Rolès ok Hélène, voilà du coup je m'étais pas trompé donc quand il se retrouve à chanter sur du playback et tout enfin il y a des petits c'est entrecoupé de petits moments un peu comme ça qui sont drôles et en même temps touchants. Et le film n'arrête pas en fait. On voit pas le temps passer. Honnêtement, moi, j'avais vraiment pas envie qu'il se termine le film parce que je passais le meilleur moment de ma vie clairement devant ce film. Et je suis pas non plus de la même génération, donc je pouvais pas me reconnaître dans certaines choses. Mais il y a des choses assez universelles qui sont transmises à travers ce film et qui, je trouve, enfin, je pense, peuvent toucher beaucoup de monde. Et moi, ça a été le cas. Voilà, c'est vraiment un film générationnel, mais qui, je pense, peut fonctionner pour toutes les générations. Voilà, moi, c'est un film que je trouve extrêmement réussi, que ce soit dans son intention, dans son scénario, dans sa mise en scène aussi. Et puis les acteurs sont formidables, quoi. Vraiment, on s'y attache énormément. Et le fait d'avoir trouvé des acteurs qui se ressemblent vraiment entre les parties, du coup, enfance, adolescence et vie adulte, ça fonctionne super bien. Et ça rend le truc encore plus crédible, quoi. Et du coup, c'est encore plus jouissif à regarder. Voilà. Est-ce que tu... Enfin, je pense que tu veux rajouter des choses. Ah ouais, plein, parce que c'est vraiment un film qui me tient à cœur. Ouais, moi aussi, hein. C'est vraiment un film que j'ai adoré, adoré, adoré. Déjà, je trouve que la démarche narrative, elle est intéressante. Déjà, à première vue, moi, j'aime bien l'idée, et ça m'a beaucoup rappelé Boyhood de Richard Linklater. Même si Boyhood, lui, il y avait vraiment c'était sur vraiment 18 tourné. Ans, c'était les mêmes acteurs, voilà. Ouais. Mais je trouvais que le rendu, voilà, et ça, forcément, c'est un film qui promet quelque chose de l'ordre de la nostalgie, tout ça. Ça peut être bien et pas bien à la fois, parce que la nostalgie au cinéma, c'est quelque chose qui est quand même assez récurrent, même dans les séries d'ailleurs. Oui. On joue beaucoup là-dessus et parfois ça donne un côté un peu opportuniste, un peu facile. Et je trouve que le film, il utilise cette nostalgie avec beaucoup d'intelligence. C'est-à-dire c'est jamais envahissant, c'est jamais opportuniste. On a des références culturelles auxquelles on va se reconnaître. Et ça passe par des scènes qui sont pour moi très drôles et qui en deviennent touchantes par leur drôlerie. Je prends un exemple, la scène de la PS1. La façon qu'il a d'accueillir cette PlayStation et tout, moi je me souviens qu'à l'époque, effectivement, moi c'était plutôt PS2, c'était de cette manière-là, c'était christique quand même, comme accueil, était là. Et la façon qu'il a de détourner ça, il arrive à mettre de la nostalgie, mais par le biais de l'humour. Et c'est ça qui est très, très, très intelligent. Et d'ailleurs, Max Boublil, donc, qui est co-scénariste du film, effectivement, c'est un humour qui lui ressemble. C'est vraiment c'est un espèce de... Rien que le personnage, c'est pour ça qu'on dit que c'est autobiographique, je trouve, c'est un one-man show, quoi. Ouais, c'est un clair. Mec qui rêve d'être comédien, il rêve de se mettre en scène. Et c'est cet humour-là qui me plaît. Ça me rappelle, sous certains aspects, l'humour référencé qu'on peut avoir chez Philippe Lachaud, par exemple. En beaucoup moins trash, en plus familial. Oui, c'est vrai. Et justement, en termes de casting... Quoique, il y a quand même des blagues... par exemple, le fait de mettre une bouteille de Jack Daniels à côté d'un bébé ou des trucs comme ça, tu vois. Oui, c'est pas non plus. C'est mignon, ou alors un peu d'irrévérence. Voilà, c'est ça. L'anniversaire de la fille de sa. Ouais, de non, sa fille. Alors ça, c'est. Mais j'étais par terre, hein, mais vraiment. C'est énorme, faut pouvoir le faire, quoi. Ouais. Et justement, Max Boublil, que je trouve quand même, je vais le dire, sous-côté. Je pense que cet acteur-là, quand il est bien dirigé, quand il a quelque chose à dire, c'est vrai. Est excellent. Et. Aussi bien dans les instants de comédie que dans les moments d'émotion, et Dieu sait qu'il y en a dans le film à deux, trois reprises, et d'ailleurs je vais en parler après, il est vraiment exceptionnel, quoi. Alice Izaz, qui est une actrice qui est pour moi un peu froide, je trouve qu'elle a un visage un peu fermé d'habitude, elle est rayonnante. Elle est rayonnante et c'est le meilleur rôle de sa carrière. Et tu l'as dit, hein, les autres comédiens pour moi sont impeccables. Les plus jeunes, il y en a un que je vais citer qui s'appelle Jules Poirier. Qu'on avait déjà vu dans le film d'Anne Fontaine, Marvin ou La Belle Éducation, il était déjà très très très prometteur. Et dès la bande-annonce, parce qu'il y a une scène dans la bande-annonce où on le voit, il m'a cueilli. C'est une scène où il est au téléphone, où il demande à une fille de sortir avec lui. Mais c'est de l'ordre du vécu. Quiconque a fait sa demande au collège a vécu ce truc-là. C'est-à-dire qu'il exprime sa joie par des banalités. Et la scène qui s'ensuit, où on les voit tous les deux comme des cons sur un banc, où ils n'ont rien à se dire, où c'est un silence de plomb pendant deux minutes et après il y a le personnage qui va essayer de la galocher. C'est vraiment génial et c'est de l'ordre du vécu. Mais encore une fois, c'est pas quelque chose qui va te tenir par la main en disant regarde, je vais te montrer ta vie puis tu vas kiffer. Ça coule de source. Et justement, ce rendu là il est pour moi parfait. Et là où le film est à mentionner, enfin et à souligner dans ce qu'il y a de réussi, c'est ces moments d'émotion. Parce que comment mettre des moments d'émotion qui sont de l'ordre de la fiction cinématographique dans quelque chose qui se veut réaliste? Par le biais du montage et tout, justement, comme le personnage de Max est un cinéaste en devenir et qu'il aime les effets. D'ailleurs, une des premières scènes du film, c'est un faux film d'horreur. Un film, ouais, c'est vrai. un faux film d'horreur qui est assez génial, une espèce de pastiche, et bah, il va orchestrer ces moments d'émotion qu'il va filmer, mais c'est-à-dire qu'il filme ce qui est filmable, il va pas... Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il n'y a pas de voyeurisme, en fait. Il n'y a pas de voyeurisme. Il y a un moment donné, on ne va pas dire qui, quoi. Il est question d'un décès. Ouais. Et bah, on sait que la personne en question est décédée. Mais la façon qu'il va vouloir nous faire ressentir ce deuil, il va le mettre... Enfin, il y a une scène dans une maison vide. Ouais. Et cette scène-là est juste incroyable. Ouais. Et là, on se dit... Ok, n'importe qui aurait pu filmer ça. Et il ne va pas parsemer son film d'effets de cinéma qui vont être un petit peu ostentatoires, un peu too much et qui vont être inadaptés par rapport à un film qui cherche justement à adopter ce principe-là de réalisme. Ouais. Et je trouve que bah, dans la mise en scène, dans le montage, dans le scénario, la narration, j'ai trouvé ce film brillant. Ouais. Pour moi, c'est authentique, c'est drôle, ça t'arrache des larmes de joie et des larmes de tristesse. Et puis les changements de ton sont tellement violents. Parfois, d'une scène à une autre, t'es en train de mourir de rire et après, tu passes de, enfin, t'as vraiment les larmes aux yeux, quoi. Et ça fonctionne très bien justement avec le montage qui est très réussi. Et je pense qu'ils ont passé beaucoup de temps dans la salle de montage pour trouver ce rythme qui est très particulier, quoi. Donc, oui, et puis et c'est avant tout comme une comédie efficace sur une bande de potes, tout simplement. Oui, ok, il y a une profondeur quand même qui est là jusqu'à la fin, mais c'est vrai que c'est avant tout une comédie avec des potes qui grandissent entre eux. Enfin, on voit les chemins que et on est avec eux, c'est-à-dire on se reconnaît forcément parce qu'on a forcément des amis qui vont nous rappeler telle ou telle personne. Mais c'est un film qui est tellement universel, qui est tellement accessible, c'est authentique. C'est pour moi, c'est un grand bonheur de cinéma, quoi. Et c'est dommage si on avait été privé de ce film-là, ça aurait été vraiment dommage. Ouais, c'est clair, c'est vrai. C'est un film qui est juste, mais... C'est une petite pépite, hein, clairement. Ouais, c'est un petit bijou, quoi. J'ai adoré. Ouais, et je voulais reparler, justement, quand tu parlais des moments d'émotion, je trouve, c'est très intelligent, la façon, par exemple, dont ils évoquent l'addiction d'un personnage... la façon dont ça vient petit à petit, tu vois, c'est pas surligné. Et puis d'addiction c'est à l'alcool ou à un médicament, non, je sais plus, mais en tout cas voilà, c'est vraiment pas surligné. Et puis d'un coup on voit le personnage du coup à l'hôpital, on pense que c'est tragique, et en fait exactement, et c'est génialement mis en scène. Ouais. C'est juste, mais c'est parfait, quoi. Et pour moi, clairement, c'est un, si ce n'est le meilleur found footage, film found footage qui ait jamais été fait, quoi. Clairement. Personnellement, en tout cas, c'est largement meilleur que Pas très normal activité de Maurice Barthé. C'est clair, mais tu vois, même dans tous les films d'horreur, il y a peut-être Rec au-dessus. Pour moi, c'est très difficile, mais... le found footage. Et en plus de il y a à travers ce principe-là de found footage, il y a aussi cette idée que parce que les found footage qui se déroulent sur une heure de temps, j'ai envie de dire c'est un peu facile. Ouais. Là, on parle quand même d'un film où on parle de 25 ans de la vie de quelqu'un. Ouais. Et en effet, d'avoir pris des acteurs qui ont des traits similaires, il y a une cohérence en matière de faciès. Ouais. C'est vraiment cohérent. Et Eddie apprécierait, hein, parce qu'il a toujours des problèmes avec ça dans de nombreux films. Donc, mais pour le coup, mais moi, au début, j'ai vraiment cru que, par exemple, Max Boublil, le très jeune, je me suis dit, ils l'ont rajeuni numériquement. Oui. Ouais, c'est pas possible. Ouais. C'est pas possible. Donc, pour paraphraser Max dans le film, j'ai envie de dire merci Anthony et merci Max pour ce cadeau incroyable. Voilà, exactement. Donc, on vous le recommande énormément. Moi, je l'attends juste qu'il sorte en Blu-ray pour pouvoir le revoir. Et pour l'instant, il n'est pas en préco sur Amazon, donc j'ai peur qu'il sorte en DVD, comme la plupart des films français qui sont réussis, d'ailleurs. C'est dommage, mais bon. Évidemment. Au moins, pouvoir le réapprécier. Par contre, pour commercialiser un Polanski en Blu-ray, il y a du monde, hein. Ah là là, oui, effectivement, c'est le cas. Donc voilà, on vous conseille énormément de regarder ce film dès qu'il sera disponible par les voies légales, voilà. Alors ouais, parce que là en fait, actuellement je suis sur Amazon, je vous jure que c'est vrai, j'ai tapé Play dans DVD Blu-ray et ça m'a sorti un DVD porno, Sex DVD Girlfriend Digital Play. Voilà. Donc ne commandez pas ça, ce n'est pas celui-là, il faut qu'il y ait Max Boublil dedans. Voilà. Et visiblement, en jugé la jaquette, c'est lesbien, donc je ne vous conseillerais pas ça du tout. Arrête maintenant. bref, du coup, on va passer à autre chose. On va passer au film Les filles du docteur Marsh, qui est un film qui est sorti Ça également. marche. Oh, c'est drôle. Oui. Ça marche, t'as compris la vanne. La marche. Oh là là, mon Dieu, on se marre. Putain. On se marre comme dans Play, hein. Moi, je peux te dire que là. Ouais, ça me plaît beaucoup, ça. Exactement. Sorti le 1er janvier 2020 en France aussi également, mais le 25 décembre 2019 aux États-Unis. Réalisé par Greta Gerwig, scénario de Greta Gerwig, qui est d'après le roman de Louisa May Alcott, qui s'intitule Little Woman, pardon, en anglais, qui d'ailleurs est spoilé joyeusement dans Friends, petite référence. Oui, c'est vrai, mais en fait, ça m'a. En fait, je savais que dans Friends, il mentionnait, et quand Ouais. j'ai entendu les noms des personnages, je me suis dit, oh putain, ça y est, je connais la C'est bon, fin. je connais la fin. Donc si Je vous avez connais la vu fin, Friends et c'est que vous n'avez pas lu le roman, et ben du coup vous C'est connaissez la fin de exactement ce roman ça. malheureusement. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que je trouve que le film, même en connaissant la fin, est très bon. Voilà. Du coup, ouais, ça parle. Le film parle de. De rien. Non. De rien du tout. C'est Non. des gens en costume qui parlent et qui marchent. T'as trouvé ça? Moi Non, non, j'ai. non, non, non, ça. Non, c'est. Vas-y, parle, Honnêtement, t'inquiète. moi j'ai beaucoup aimé. Le bouquin, j'ai lu des extraits. Enfin, il y a un petit moment, et j'avais beaucoup aimé les extraits que j'avais lus. Je l'ai actuellement dans ma bibliothèque. Ça fait partie des 1500 autres bouquins que je dois lire. Mais j'y viendrai un jour. D'ailleurs, j'avais vraiment envie de commencer après avoir fini le film, après être rentré du cinéma. Mais comme j'étais déjà dans quatre autres bouquins lancés, je me suis dit, je vais pas en lancer un cinquième. Ça Bon, fait beaucoup après, voilà, hein. c'est ça. En tout cas, voilà, en tout cas, je sais que le bouquin a été un peu tordu et plutôt dans la façon dont il raconte les moments qui se passent pour faire un film qui a sa propre narration, mais les événements sont à peu près similaires. Le film parle de quatre Quatre sœurs, filles. quatre sœurs, quatre filles, qui sont aux États-Unis dans les années 1860. Du coup, leur père est parti comme aumônier pour la guerre de sécession. Et du coup, il laisse quatre filles et sa femme derrière lui. Et elles vont faire la connaissance d'un jeune homme qui s'appelle Laurie, qui est le petit-fils du voisin d'en face. Et du coup, ça va amener pas mal comment dire, d'histoires, d'amourettes, etc., d'amitié. Enfin, voilà. Et c'est un peu compliqué à résumer ce film parce qu'il y a énormément d'événements qui se passent. En plus, le film se passe sur deux époques différentes, ce qui est d'ailleurs une super bonne idée dans la manière de mettre en scène la chose. C'est-à-dire que les tons, bon, après, c'est pas très nouveau, mais au moins ça fonctionne et on n'est pas perdu durant le film. C'est-à-dire qu'il y a des tons plus grisonnants, plus réalistes, entre guillemets, sur la partie plus récente. Et sur la partie plus ancienne, on a des tons plus sépia, plus jaune, voilà, plus nostalgique, comme on dirait. Même si c'est pas très novateur, ça fonctionne très bien, je trouve, pour justement pas s'y perdre dans le récit. Au niveau des acteurs, on a Saoirse Ronan qui joue Joséphine Marsh, Jo Marsh, qui est un peu le personnage principal, celle qui est écrit. Qui écrit des romans et du coup qui écrit l'histoire de ses sœurs et qui va essayer de faire publier. D'ailleurs, à cette époque, c'était un peu compliqué pour une femme de faire publier ses romans, donc elle disait que c'était pas vraiment elle qui l'avait écrit. Bref, on a aussi Florence Pug, je sais pas comment on prononce à chaque fois, Pug, voilà. Qui joue le rôle d'Amy Marsh, Emma Watson, qui fait son plus bel accent américain, mais qui fonctionne plutôt bien, Margaret, et Elisa Scanlen, Elizabeth Beth Marsh. On a aussi Timothée Chalamet, du coup, qui joue le rôle de Laurie, le nouvel arrivant dans la bourgade. On a aussi Louis Garrel, c'est vrai que ça m'avait étonné. Laura Dern qui joue du coup la mère, qui est un peu la mère parfaite, un peu, hein, vraiment, qui se sacrifie pour ses filles et pour. Mais aussi pour les personnes qui sont moins fortunées qu'eux autour, dans leur village. Meryl Streep, qui joue la tante Marsh, et Bob Odenkirk, qui joue le père, mais qu'on ne voit pas très souvent, qu'on voit quasiment qu'à la fin, quoi. Donc, moi, j'ai énormément aimé le film, j'ai pas envie de trop le spoiler, c'est beaucoup de... d'histoire de... Comme j'ai dit... en fait, c'est l'histoire de la vie de quatre filles qui sont restées à la maison et qui essayent de faire du mieux qu'elles peuvent pendant la guerre de sécession. Elles ont toutes leurs personnalités qui les rendent très attachantes et qui les rendent aussi un peu énervantes à certains moments. Mais c'est justement c'est voulu, quoi. Ça m'a beaucoup fait penser à Pride and Prejudice de Jane Austen, qui est un peu dans ce même registre, mais qui est un peu moins drôle, même si il y a quand même des moments assez marrants dedans, mais qui est dans la même lignée, quoi. Sauf que ça se passe en Angleterre et que c'est un peu différent au niveau de la société, mais c'est pas très très éloigné, je trouvais. Donc voilà, moi j'ai ce film, je l'ai trouvé très bon. Le problème, c'est que je l'ai vu au début de l'année, et comme on a dit au début, c'est que j'ai oublié pas mal de choses, mais je sais que quand je suis sorti de la salle, j'ai vraiment aimé. J'ai trouvé que l'histoire était très bonne, même si je connaissais un peu la fin. Malgré tout, il y avait quand même quelques surprises, comme le fait avec qui Timothée Chalamet, du coup, Laurie va se retrouver, ou pas d'ailleurs. Ça, je vous laisserai découvrir si vous voulez voir le film. Honnêtement, j'ai trouvé que visuellement, il était très joli, très, très bien fait. Les costumes sont vraiment super beaux. Hein. Et puis, les acteurs jouent très bien, je trouve. Ils sont très attachants. Surtout Joséphine, Jo March, qui est un peu contre toute la doctrine sociétale qu'il y avait aux États-Unis, qu'il y a peut-être encore un peu. Du fait que les femmes doivent se marier, faire des enfants et puis rester à la maison pour s'occuper du foyer. Elle est vraiment contre tout ça et elle, c'est assez marrant. Elle veut vraiment être écrivain, quoi. Donc écrire des histoires. Elle met en scène elle écrit des pièces de théâtre qu'elle met en scène avec ses sœurs pour les jouer devant les enfants du quartier, enfin de la ville, pardon, du village. Ça fait des moments très touchants, voilà. Donc c'est assez tragique par moments, et c'est vraiment très triste par moments, et les moments d'émotion fonctionnent très bien, je trouvais. Donc moi je vous le conseille, si vous aimez les films de période comme ça, c'est ce qui se fait de mieux, hein, avec Pride and Prejudice, du coup, voilà. Morgane, toi, tu l'as vu ? Je l'ai vu et j'ai trouvé ça un peu... Comment dire ? C'est un peu académique, en fait. Oui. C'est moyen dans le sens où, qu'on se le dise tout de suite, le film, il est sublime. Ouais. C'est, voilà, sur la mise en scène, sur les décors, les costumes, effectivement, je trouve que visuellement, c'est un régal. Vraiment, il y a un casting qui est assez flamboyant. Je trouve que Saoirse Ronan, elle est continue. Voilà, c'est quand même une actrice qui est quand même talenteuse, et on a un peu tendance, je trouve, pas à l'oublier, mais c'est pas celle qu'on mentionne spontanément. C'est vrai que de ce film, on mentionne plus Florence Pugh. Ouais, mais pour moi, c'est Saoirse Ronan. Ouais, c'est clair, c'est elle qui porte le film, hein, clairement. Parce que Florence Pugh, alors je la trouve un peu plus lisse que dans le film Midsommar, en même temps, le rôle est un peu plus lisse ici, ouais. Mais c'est quand même un talent en devenir. Par contre, je vais aussi faire une petite parenthèse sur la caution masculine, qui est quand même apportée par Timothée Chalamet, qui est quand même un acteur que je n'aime pas du tout, cet acteur. Oui. Là, pour le coup, je n'aime pas juger à la tête, mais il a un visage qui m'irrite. Je ne l'aime pas, je n'y arrive pas. Je trouve antipathique à mort. Et pourtant, j'avoue que dans ce film, il est touchant, il est d'un charisme qui est ravageur. Je veux dire, même ceux qui l'aiment pas, ils peuvent qu'être séduits par son personnage. Je trouve qu'il le joue avec une élégance, il a une classe, il a un charme qui est indéniable. Il a même un regard qui, je trouve, hypnotisant. Ouais. Et il incarne son personnage avec beaucoup d'élégance. Élégance, pardon. C'est vrai. Alors, en revanche, je trouve que cette adaptation que je connaissais pas, à part spoilée par Joey Tribbiani, Rachel, c'est Rachel qui me l'a spoilé. Oui, c'est ça, c'est vrai. Ouais. Non, Joey, il spoil Shining pour ce genre. Shining, ouais. Et pour le coup, elle m'a moins convaincu sur certains points. Je trouve, par exemple, il y a une utilisation des flashbacks qui est quand même excessive. Ça rend le récit très pénible, confus, notamment durant les 45 dernières minutes. Je trouve que ça s'étire à mort et je savais même plus ce que je regardais. J'étais perdu. D'accord. On est où là ? Attends, là on est où là ? Ok. Il y a peut-être quelques maladresses. Ouais. Il y en a, je trouve. Le film dure 2h10. Pour moi, il aurait pu être amputé d'une petite demi-heure. Quasiment. Ah oui, carrément. Ah ouais, je trouve. Hein, je trouve qu'à un moment donné, entre les raccourcis qui sont brutales et des scènes de dialogue qui n'en finissent plus, pour moi, il y a de quoi se lasser, décrocher un petit peu. Et un autre point négatif, autant j'adore ce compositeur, mais je trouve que la BO d'Alexandre Desplat, elle est un petit peu faible. Oui. Et elle fait tomber le film. Elle fait tomber le film parfois dans une mièvrerie qui est pas vraiment adapté, qui est un peu regrettable. Après, donc, je trouve que c'est un film qui est inégal, malgré des points forts qui sont notables, hein, vraiment. Ouais. Mais c'est pas un film mémorable pour moi. D'accord. Non, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vrai que la musique de Alexandre Desplat, elle m'a vraiment pas marqué. D'ailleurs, j'en ai vraiment pas parlé, du coup. Mais elle est. C'est vrai qu'en y repensant, il y avait quand même des moments un peu hors sujet, quoi. Où ça rend le film plus mièvre qu'il a nécessité de l'être, quoi. Donc voilà. Moi, en tout cas, je vous le conseille. Si vous aimez ce genre de film, c'est, je trouve, un très bon film historique. Voilà. Même si c'est pas basé sur une histoire vraie, bien sûr. Voilà. Du coup, on va parler d'un autre film historique qui est basé sur une histoire vraie cette fois-ci. Enfin, je sais pas justement. Comme j'ai pas pu voir le film, malheureusement. 1917, du coup, de Sam Mendes. Toi, Morgane, tu l'as vu ? Je l'ai vu, oui. Dis-moi tout ce que tu en as pensé, puisqu'il y a eu beaucoup de hype sur ce film. Beaucoup, beaucoup, parce que c'était un film qui avait une promesse, forte. Un plan séquence, voilà. Un plan séquence en temps réel, on va dire. Enfin, un faux plan séquence. C'est quand même le film qui Birdman, raflait tout sur... À la Birdman. Ouais. Justement, c'est là... Il y a des films qui ont été faits avant celui-là. Voilà, c'est et ça. C'est vrai que je ne comprends pas pourquoi ce film-là attire plus que... Après, c'est peut-être le concept même du film de guerre. Ouais, je pense. Effectivement, l'aspect faux plan séquence promettait une immersion qui est là dans le film, hein, d'ailleurs. Ça, c'est incontestable. Mais le film est discutable sur certains aspects. Alors, en gros, en termes de scénario, et je ne vais pas tomber dans le discours... parce qu'en fait, ce qui est bizarre, c'est que ceux qui sont nuancés comme moi... on nous porte des propos qu'on n'a jamais dit. Par exemple, je trouve que le film est faible sur certains aspects et on me dit « Ouais, mais tu peux pas dire que le film, il n'y a pas de scénario. » Je n'ai jamais dit ça. Il y a un scénario dans le film, tout comme il y a un scénario dans Birdman, tout comme il y a un scénario dans Gravity. Oui. Et d'ailleurs, il y a des gens qui n'aiment pas Gravity qui adorent ce film. Et les films reposent sur des concepts un peu similaires. Ouais. Et sur des thématiques qui sont similaires. Donc, pour résumer le film en deux mots, c'est un soldat pendant la guerre 14-18 qui a pour mission d'aller apporter un message à des troupes alliées dans le but de donner l'ordre d'arrêter un assaut. En gros, c'est ça. Ça repose sur un truc qui est tellement minimaliste, mais c'est intéressant néanmoins. Mais on va pas voir le film pour ça, on va voir le film pour sa promesse technique, pour son immersion et tout. Y a quand même Sam Mendes à la réalisation, donc difficile de pas saliver devant le projet, hein, surtout avec toutes les promesses annoncées. Comme j'ai dit, c'est un film de guerre, donc rien d'original jusqu'à présent, mais l'annonce d'un film fait en long plan séquence de près de 2 heures, ça pouvait rendre les plus sceptiques, curieux et excités, ce qui était vraiment mon cas, puisque Sam Mendes, c'est aussi Skyfall, c'est Les Noces Rebelles, qui est pour moi peut-être son meilleur film à ce jour, qui aurait mérité un Oscar, plus que 1917, qu'il n'a pas eu, parce que c'était quand même lui qui devait l'avoir. Enfin, c'était évident, il a quand même eu le Golden Globes du meilleur film dramatique. Et c'est vrai que tout portait à croire que Sam Mendes, réalisateur, plus 1917, meilleur film, c'était un peu couru d'avance. Et en fait, pas du tout, vu que c'est le maestro Bong Joon-ho qui a devancé tout ce petit beau monde pour mon plus grand bonheur. Comme je le disais, bien que la démarche technique soit pas neuve, hein, on va se souvenir de Birdman de Alejandro González Iñárritu, qui est pour le coup excellent. Ouais. L'idée de mettre tout ça à travers un film de guerre, c'était prometteur. Après, est-ce que le pari est réussi ? Je dirais oui, mais il y a des mais. Première chose, je dirais que le problème avec ces films qui enchaînent les grosses récompenses, la hype collective, c'est qu'il est difficile de ne pas en tenir compte le jour où on le voit, en fait. Qu'on le veuille ou non, notre niveau d'exigence est forcément plus élevé dans ces conditions. On se dit, on va voir un chef-d'œuvre et forcément, on est un peu plus critique, un peu plus exigeant et la déception peut se faire ressentir plus facilement lorsque le résultat ne nous paraît pas aussi grandiose qu'on aurait pu le fantasmer. Oui. Et c'est un peu le cas de ce film-là. C'est pas un mauvais film, loin de là, mais c'est forcément, je trouve, décevant par rapport à tout ce qu'on pouvait entendre à son sujet. C'est un très bon film, c'est une expérience de cinéma qui est spectaculaire, qui est imparable, mais c'est pas le film ultime, contrairement à tout ce qu'on peut nous vendre. D'ailleurs, je dois dire qu'un bon film se consomme sur tout support, c'est-à-dire au cinéma, sur un écran plus petit. Et je doute que le film de Sam Mendes arrivera à garder sa réussite. Sa puissance. Ouais. Ouais, je pense que c'est un film qui se voit au cinéma uniquement et que le voir ailleurs qu'au cinéma serait une erreur. Parce que pour moi, c'est une expérience qui est à vivre en salle. Et c'est d'ailleurs sur ce point, hein, je ne trouve pas que ce film restera dans... Il ne fera pas date pour moi. D'accord. Dans l'histoire du cinéma. Après, un film n'a pas besoin de faire date, oui, j'entends vrai. Bien. Mais je pense que si je le revois chez moi, clairement, je vais me faire chier. Et il est évident que si on le voit ailleurs qu'au cinéma, on ne pourra pas ressortir aussi secoué. Admiratif peut-être, mais pas aussi secoué et investi émotionnellement. Il ne va pas produire le même effet. Et outre son impressionnante démarche artistique et technique, dont le rendu il est indéniablement incroyable, pour moi, sur le plan scénaristique, alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de scénario, mais il m'a moins convaincu. Ouais. Pour moi, le plan séquence, c'est un travail de Minifi qui est exemplaire, et c'est pour ça que le film est acclamé, et il est plus que palpable ici. Les coupes ne se remarquent pas vraiment, même si on a... Enfin, si on cherche bien, on les voit, mais j'ai décidé de ne pas trop me prendre la tête et de me laisser porter. Et effectivement, on ne les voit pas vraiment. Tout est bien millimétré, orchestré, et c'est tellement bien fait que du coup, ça empêche l'émotion de gagner. C'est-à-dire que je trouve ça, c'est tellement orchestré à la perfection, ça coule tellement de source qu'au bout d'un moment, ça m'a parasité un peu l'émotion. Le réalisateur, il pense tellement technique et mise en scène qu'il, pour moi, il en oublie d'instaurer un souffle émotionnel. Il en oublie d'instaurer de l'âme, en fait. Et du coup, ça, c'est beau, mais jamais bouleversant. Alors qu'on sent une volonté de Sam Mendes de clouer le spectateur sur place à coups de scène d'émotion. Il y en a une dans le film qui est assez violente. Mais pour moi, elle opère pas. D'accord. Notamment une qui amorce la quête existentialiste du personnage. C'est un peu le but du film, hein, qui est impeccablement campé par George Mackey qu'on avait vu. Enfin, moi, j'avais découvert dans Pride. Ouais. Et il crève pas l'écran et c'est bien dommage. Il est excellent, mais il crève pas l'écran. Et ça, justement, la faute non pas à l'acteur, hein, mais c'est à la faute à cette obsession technique qui est une fois de plus parfaite, mais qui parasite totalement l'émotion attendue. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Même si en termes de propos le film est intéressant parce que c'est un film en fait qui ne va pas raconter la première guerre mondiale. On a souvent des films dans ce genre de film, c'est on raconte le milieu de la guerre mondiale et on va raconter la fin. Là c'est un film qui se passe en 1917, à savoir que la guerre mondiale, la première guerre mondiale, ça s'est fini en 1918. C'est juste l'exemple type d'une journée d'un soldat. C'est pas un début, un milieu, une fin. C'est un début, un milieu, une fin pour cette journée-là. C'est tout. Parce que en fait, on voit juste une journée type d'un mec qui risque sa vie au quotidien. Donc en fait, la fin du film, c'est pas la fin de la guerre mondiale, de la première guerre mondiale. C'est la fin de sa journée à lui. Et ça, c'est intéressant. C'est juste une journée ordinaire dans la vie d'un soldat qui va devoir faire des choses extraordinaires pour sauver sa peau et pour sauver son pays, etc. Ouais. Donc ça, c'est intéressant. Malheureusement, émotionnellement, il y a un truc qui fait que je ne suis pas rentré dedans. Enfin, c'est pas que je ne suis pas rentré dedans. J'étais un peu distant parce que j'étais tellement ébloui par l'aspect technique du film que j'ai trouvé très bonne néanmoins, que j'ai trouvé abouti, mais qui ne m'a pas non plus cloué sur place. J'étais pas non plus fou en sortant du film. J'ai trouvé ça efficace. Je trouve que ça peut être... Alors, effectivement, mon avis peut un peu sembler sous-payé par rapport au retour élogieux depuis quelques temps. Je trouve que c'est un film qui est modestement efficace. Je vais y accorder ça. Et après, bon, le temps nous dira si le film de Mendes restera gravé dans nos mémoires, mmh. mais pour moi, c'est pas sûr. D'accord. Car faut quand même reconnaître que l'idée du faux plan séquence, c'est vieux depuis la nuit des temps, quoi. Oui, c'est vrai. Enfin, déjà, chez Hitchcock, on l'a vu chez Inarritu. Enfin, c'est pas neuf en soi. C'est abouti, mais c'est pas neuf. Et d'ailleurs, petit coup de gueule, l'aspect marketing du film. Ouais. Vendre le film, on nous spoil carrément le climax de fin pour nous vendre le film. C'est une connerie monumentale. Mmh. Enfin, la fameuse scène où le héros court et tout, c'est le climax de fin. D'accord. Et c'est débile, mais c'est complètement débile de nous vendre ça. On nous spoil carrément le climax dans les teasers. Franchement, ça a aucun intérêt. Et je trouve que ça tue un peu le truc. Mais voilà. Néanmoins, c'est un film qui est estimable, qui est intéressant, qui a ses qualités techniques indéniables, mais qui m'a pas. Voilà. C'est là pour le coup, il sera pas dans mon top ni dans mon flop. Hein. Je l'ai. Voilà. Et pour le coup, les récompenses qu'il a eues. C'est légitime. Ok. C'est légitime. D'ailleurs, on parlera des Oscars bientôt, enfin, dans le prochain podcast, ouais. mais je trouve que les récompenses sont adaptées. C'est très équitable. Et pour ce film-là, lui donner meilleur réalisateur, meilleur film, ça aurait été beaucoup trop surpayé. Il y a toujours des gens qui vont dire que Parasite, c'est surpayé. Mais en tout cas, je trouve que c'est beaucoup plus logique de donner ça à Parasite qu'à 1917. Ouais. D'accord, très bien. Du coup, tu vas continuer sur le film Adoration. Tu as quelques mots à dire. Ça va être très rapide. Adoration, en fait, c'est le nouveau film de Fabrice Duvels, je ne sais pas comment on dit. Je vais pas trop résumer l'histoire. C'est l'histoire. Oui, bon, allons-y. C'est l'histoire d'une fugue amoureuse, en fait. Voilà, c'est deux adolescents qui vont fuguer. Il y en a une qui est internée dans un hôpital. Lui, il va prendre la fuite avec elle par amour, par passion. Je dois dire que je suis totalement passé à côté. Voilà pourquoi je voulais en parler, parce que c'était le film français que moi j'attendais beaucoup. Pourquoi ? Parce que un des rôles principaux est tenu par Thomas Gioria, qu'on avait vu dans Jusqu'à la garde, qui était le petit garçon de Jusqu'à la garde, qui était prodigieux et prometteur. Là, il l'est toujours. Et c'est intéressant de voir les choix de films qu'il fait. L'affiche, elle est belle, je trouve. L'affiche est très belle, mais honnêtement, je suis totalement passé à côté. Je vais le dire, je me suis fait chier. Ouais. Alors, c'est pas un argument en soi. Oui, c'est pas un argument. S'ennuyer au cinéma, c'est pas bien. Voilà. Mais j'ai tellement rien ressenti devant ce film. J'ai trouvé que c'était. Il y a tout un travail de réalisation qui est là, qui est quand même évident. C'est une proposition de cinéma qui est authentique et qui tranche sévèrement par rapport à ce qu'on peut voir dans le cinéma français aujourd'hui, c'est clair. Mais est-ce que c'est réussi pour autant ? Moi, pas vraiment, parce que quand je suis sorti de la salle, je me suis dit ça va être difficile de poser des mots sur un film qui suscite une adoration, sans mauvais jeu de mots, massive des spectateurs, et ça m'a laissé de marbre pendant tout le film. Je trouve que ça met un temps fou à démarrer, et une fois que ça démarre, ça manque de clarté, ça manque de crédibilité. On sent bien qu'il veut parler de l'innocence d'un adolescent qui est aveuglé par l'amour qu'il ressent pour une jeune fille au caractère complètement malade. Mm-hmm. Ça se comprend, ça se ressent, mais j'ai trouvé ça creux et vide. L'ennui, ça prend rapidement le dessus. Et à aucun moment, alors qu'il est question de fugue, j'ai ressenti une once de danger, une once d'étrangeté. Dans cette cavale amoureuse au fin fond de la France, clairement. C'est sur l'aspect contemplatif que tout se mise, et c'est ça qui intéresse le plus le réalisateur. Mais je trouve que le lyrisme qu'il cherche à instaurer, ça prend pas du tout. Et je trouve d'ailleurs, alors autant Thomas Gioria, il est exceptionnel, mais alors l'actrice qui partage l'affiche, qui s'appelle Fantine Arduin, elle est horripilante. Mais en même temps, le personnage l'est tout autant. D'accord. Mais en tout cas, voilà, Thomas Gioria, il est habité par son personnage, il a un regard puissant, une intensité de jeu qui est remarquable, et on tient pour moi un futur grand acteur. Sous réserve quand même que les producteurs et les réalisateurs le traitent correctement, mais on va croiser les doigts pour. Mais en tout cas, voilà, j'ai tellement rien ressenti devant ce film, j'ai trouvé ça tellement creux, et j'avoue que je suis assez... je me sens assez seul au monde quand je vois les retours élogieux que le film... je suis là, ok, bon, vous kiffez, c'est bien, mais moi, j'ai pas... Non, ça m'a... Ouais, ça t'a pas emballé. Ça m'a pas plu, non, ça m'a pas emballé du tout. Ok, et du coup, je te laisse finir avec les traducteurs. Oui, bah là aussi, ça va être rapide, mais dans le sens positif, parce que j'avoue, je n'ai rien préparé pour les traducteurs. Donc, plutôt que de me répéter avec des adjectifs élogieux, parce que Dieu sait que le film en a. Pour résumer le film, c'est un espèce de woodenite à la française. Vous savez que j'adore ce genre-là. Ouais. Dernièrement, c'était à couteau tiré. Là, c'est un woodenite qui est un peu revisité, un petit peu, comme l'était à couteau tiré. Donc, ça se passe en France. C'est l'histoire donc de Lambert Wilson qui joue le rôle d'un quoi ? Non, ça me fait rire que tu dis c'est l'histoire de Lambert Wilson. Bah pourquoi ? Non, parce que ça parle de Lambert Wilson. C'est Lambert Wilson acteur. Oui, qui voilà, joue c'est le ça. Rôle... Enfin, oui, tu vois, je me dis c'est ça, non, ça me fait rire. Parce qu'on pensait comme une espèce de blague. Alors, ouais. C'est l'histoire de Lambert Wilson. Ouais, c'est ça. Qui trouve que Matrix 2 c'est un bon film. Pardon, désolé. J'adore les gros mots en français. Nom de Dieu, putain de bordel de merde, de saloperie, de connard, d'enculé de ta mère. Roman Polanski, il est pour toi celui-là. Donc Lambert Wilson dedans joue le rôle d'un. Il joue le rôle de quoi d'ailleurs ? Comment je pourrais le cataloguer ? En fait, il gère une maison d'édition, d'un best-seller qui en est à son troisième volet. Donc, c'est, on va dire, le prototype même du best-seller vendu mondialement. Et pour la sortie de ce troisième et ultime volet, il veut faire un espèce de coup de marketing hors pair. C'est-à-dire qu'il veut organiser une traduction en 9-10 langues, je crois, simultanée. En même temps, c'est-à-dire qu'il va convier 9 traducteurs d'origine différente, donc un français, un italien, un anglais, russe, tout ça, dans un grand manoir qu'il va enfermer pendant un mois et chacun vont traduire le bouquin, vont traduire 10 pages le lundi, 10 pages le mardi, 10 pages le mercredi, etc., etc., en temps réel. Okay. Parce que voilà, et il veut que le film sorte en toutes les langues le même jour. Parce que c'est un film qui est une œuvre qui est... C'est un best-seller, c'est attendu, etc. Sauf que, parmi ces 9 petits traducteurs, ou ces 10, je ne sais plus, il y a un petit malin qui, le deuxième ou troisième jour, va envoyer un SMS alors que... un mail à Lambert Wilson alors que toute communication avec... Oui, parce que voilà, c'est une organisation de fous. Ils donnent leur téléphone, ils signent un contrat... pas d'objet, rien du tout, ils sont coupés du monde, mais un petit malin va pouvoir envoyer un mail à Lambert Wilson en lui disant tu as quelques heures pour me transférer des millions sur ce compte-là, sinon les premières pages du bouquin vont transparaître sur Internet, vont fuiter sur Internet, et ainsi de suite. Donc c'est qui a fait le coup ? Pourquoi ? Dans quel but ? Alors, qu'on se le dise tout de suite, le nom de Tsukupan nous est révélé très rapidement. Mais ça, j'ai l'impression que ça va devenir attendu dans les woodenites. Maintenant, ils vont tous nous révéler le coupable au bout de 5 minutes. Mais quand c'est pour amorcer un propos le but du film, c'est pas de savoir qui a fait le coup et oh là là, mon Dieu, twist de fin et générique, au revoir, rideau. Non. Finalement, c'est tout ce que ça amène derrière et c'est pour ça que je trouve le film très réussi. Parce que les méchants ne sont pas ceux que l'on croit. Ouais. Le fameux maître chanteur, le fameux responsable de ce traquenard, c'est pas forcément lui ou elle le méchant ou la méchante, c'est plutôt Lambert Wilson, parce qu'on se rend compte que et plutôt le monde éditorial en général, c'est un film d'ailleurs qui critique ça. C'est un film qui dit que au jour d'aujourd'hui, pléonasme, le monde éditorial est beaucoup plus intéressé par le profit. Et l'intérêt financier que peut rapporter une œuvre plutôt que par son contenu littéraire. Et c'est un film qui le dénonce, qui le montre avec beaucoup de lucidité et à travers une histoire, un thriller qui est admirablement bien orchestré, même s'il prend un tout petit peu de temps à démarrer. Mais une fois que c'est lancé, je trouve que c'est surprenant de bout en bout et jusqu'à la dernière minute. Jusqu'à la dernière minute, il y a des twists parce que forcément, le nom du coupable, c'est pas le seul et unique twist du film finalement. Même si en soi, c'est surprenant parce que moi, j'étais avec mon copain et avec on s'est regardé au début du film, on s'est dit, on est d'accord pour dire que ce personnage-là, c'est celui-là qui a fait le coup, c'est obligé, c'était évident. Et en fait, pas du tout. On est quand même assez surpris. Et une fois que le nom du coupable nous est révélé, on se dit, ouais, d'accord, why not. Et quand on apprend le pourquoi du comment, petit à petit, comme un bouquin en fait, c'est-à-dire que de chapitre en chapitre, il y a des retournements de situation qui vont s'installer et qui vont apporter une épaisseur au propos. Et c'est ça qui est très intéressant dans le film finalement, c'est tout cet aspect critique du monde éditorial. Mmh. La partie thriller évidemment est très efficace, mais c'est pas forcément ça qui va faire que. C'est tout l'ambiguïté des personnages, notamment celui de Lambert Wilson, qui joue le rôle d'un mec qui est complètement... Alors, effectivement, son coup de marketing, il est top, mais on sent bien qu'il fait ça pour le pognon, bah oui, ouais. Il fait ça pour le profit, et il s'en fout de la qualité du livre. Il en a rien à foutre, tout ce qu'il veut, c'est qu'on parle de lui, ouais. C'est un espèce de mégalo, il veut les billets dans sa poche. Et c'est un film qui le dénonce, et je trouve que c'est bien de le rappeler. Parce qu'on vit dans une société aussi de consommation, de surconsommation. Mmh. Et en plus de ça, ça, en utilisant les outils d'Internet, pour le coup, c'est assez astucieux, sans même le diaboliser. Parce qu'on pourrait très bien se dire, ah bah, vous voyez, à cause d'Internet, on peut même plus rendre un truc confidentiel. Mmh. Et bah, c'est pas plus mal, surtout pour dénoncer un truc comme ça. Et je trouve que le film, il est très intéressant à ce niveau-là. D'accord. Et il est assez surprenant. Et comme je vous l'ai dit, hein, si vous voulez juste voir, alors si vous, là c'est vraiment l'aspect un peu intellectuel du truc, un peu voilà. Mais si vous voulez juste voir un bon thriller bien écrit, français surtout, je précise, même s'il y a des personnages qui parlent en italien, tout ça, il y a surtout Alex Lowther qu'on a vu dans The End of the Fucking World, mm-hmm. qui a appris à parler français pour ce film. D'accord. Et bah putain, mon dieu. Et bah il parle mieux français que certaines personnes. D'accord. Mon dieu. Ah mais c'est incroyable, c'est incroyable. Et il est vraiment très juste, les acteurs sont très bons. Même si, vous... alors des fois il y a des petites scènes un peu inutiles qui vont rendre un peu le film un peu long. Lourd, enfin, ouais. C'est un... ouais. Pas lourd mais un peu long, ouais. On se dit bon c'est pas utile, ça aurait fait 5 minutes de moins, c'est pas plus mal. Mais finalement c'est un film qui est passionnant dans ce qu'il dénonce, dans ce qu'il raconte. Et je vous invite vraiment à le voir parce que c'est très intéressant. Puis c'est un film français, c'est, bah voilà, oui, c'est de bonne facture. Vraiment, voyez-le. Ok, super. Bah, on a conseillé deux bons films français pendant cette sélection, donc voilà, parfait. Ouais. Donc, on a fini avec la sélection et on va passer tout de suite au film du mois. C'est parti. On est à la rubrique du film du mois et ce mois-ci, on va vous parler de Jojo Rabbit, film américano-allemand réalisé par Taika Waititi, sorti en France le 29 janvier 2020 et aux États-Unis le 18 octobre 2019. Au scénario, c'est Taika Waititi aussi, d'après le roman Le ciel en cage de Christine Lennens, qui est une auteure belge et néo-zélandaise. Donc voilà. Le casting, du coup, on a Roman Griffin Davis qui joue Jojo, Johan Bensler ou Jojo le Lapin, Scarlett Johansson qui joue sa mère, du coup, Thomasine McKenzie, Taika Waititi qui joue le rôle d'Adolf Hitler. Hi Hitler. Cette scène, ouais. Par contre, alors je vais faire une petite parenthèse, mais putain, mais sur Twitter, mes bandes de cancer, franchement, arrêtez avec ça s'offusque pour cette scène quand même. Ah bon? Mais pas en Amérique surtout. Ouais. Je peux comprendre, pourquoi pas, mais faut arrêter. Enfin, non, c'est un film qui dénonce ça, qui dénonce l'absurdité de ce truc là. Enfin, autant je suis pas fou du film, mais faut arrêter, c'est de la comédie. Oui, non, mais bref, ça c'est toujours le cas, hein, c'est... malheureusement. Sam Rockwell, Rebel Wilson, Stephen Merchant et... Je la déteste. T'aimes pas Rebel Wilson? Je la déteste, ah. Je peux pas. Ok. Dans ce film, je l'ai pas trouvé ouf, mais je l'aime bien dans... Elle n'est jamais ouf. Ok. Stephen Merchant et Alfie Allen, du coup. Donc, comme je l'ai dit juste avant, il y a Adolf Hitler dans le film, donc il faut un peu recontextualiser le film si vous ne savez pas de quoi ça parle. En Allemagne, du coup, durant les derniers mois de la Seconde Guerre mondiale, Johann Betzler, ou Jojo, âgé de 10 ans, est maltraité par ses camarades alors qu'il participe à un camp des jeunesses hitlériennes. Incapable de tuer un lapin, il est traité de lâche et surnommé Jojo Rabbit, Jojo Lapin. Il se console avec son ami imaginaire, du coup Adolf Hitler. Amoureux de la nation et grand partisan du Führer, il voit sa vie remise en cause lorsqu'il découvre que sa mère, Rosie, cache dans le grenier de leur maison une jeune fille juive nommée Elsa. C'est pas du spoil puisque c'est dit dans les 20 premières minutes du film et c'est dit dans la bande-annonce aussi. Donc voilà. c'est une comédie du coup. Enfin, c'est un film comique, mais qui est aussi un film. C'est une comédie dramatique, hein, clairement. Qui a. Enfin, qui. Comment dire? alors, moi personnellement, mon ressenti. Déjà, j'attendais pas mal le film parce que j'aime beaucoup Taika Waititi et pas parce que. Beaucoup de personnes l'aiment pour Thor Ragnarok, voilà. Bon, il était sympa ce film, mais c'est pas non plus pour ça que j'aime ce personnage, enfin cet acteur et ce réalisateur. C'est plutôt pour Vampire en toute intimité. On en avait parlé avec Eddie ou What We Do in the Shadows, qui est une comédie qu'il a réalisée en 2014 et qui est juste géniale. Et que moi je vous conseille toujours et que je sais qu'Eddie vous conseille toujours parce que c'est un des trucs les plus drôles que j'ai vu sortir de. Enfin, voilà. Un des trucs les plus drôles que j'ai vu récemment, quoi, clairement. Parce que c'est juste, en fait. La vie de tous les jours de trois vampires qui sont à mourir de rire, voilà. Et juste. C'est filmé à la façon d'un faux documentaire. Et ça fonctionne toujours très très bien, voilà. Donc moi s'il y a un film de Taika Waititi que je vous conseille, c'est celui-là. Et du coup, c'est pour ça que j'attendais Jojo Rabbit, parce que je me suis dit, ah, il retourne enfin à une comédie, du coup. Et en plus, c'est une comédie donc qui parle du Troisième Reich, d'Hitler, des jeunesses hitlériennes, tout ça. Donc c'est quand même couillu, quoi, de faire ça. Et du coup, moi, j'étais assez curieux de savoir si ça allait... fonctionner, s'il allait pouvoir naviguer cette ligne qui est assez fine entre du coup la comédie où on se moque, celle ou alors tomber un peu dans des choses un peu gênantes, quoi, puisqu'on parle quand même du Troisième Reich, etc. Donc pour moi, la réponse, enfin ce que j'ai pensé du coup du film, c'est que cette ligne, il arrive à peu près à la naviguer sainement. Enfin, proprement, mais je trouve que parfois, il y a des petits moments où on est quand même un peu gêné. Je pense que c'est aussi volontaire, hein, parce que clairement, on parle pas d'un truc... Enfin, il allège tout ces choses, mais sans pourtant dire... sans oublier les vraies horreurs qui se sont passées. On est souvent rappelé, d'ailleurs, des horreurs, des véritables horreurs qui sont commises par... par le Troisième Reich, Adolf Hitler et tout ça. Et du coup, la ligne... pour moi, il arrive assez bien à naviguer ces eaux-là. Le scénario est plutôt, plutôt bien réussi sur ce point-là, je trouve. D'ailleurs, anecdote, quand je suis allé voir ce film, j'avais une personne derrière moi, une personne plutôt âgée... 70 ans à peu près, qui avait été apparemment traîné là par sa femme et qui ne savait pas du tout de quoi le film parlait, et du coup qui s'offusquait à chaque fois qu'il voyait Hitler, et il a compris que à la fin, enfin non, sa femme a dû lui dire à la fin du film que Hitler en fait c'était son ami imaginaire, parce qu'il avait toujours pas compris, même quand Hitler sautait d'une fenêtre, il avait pas compris. Bref, voilà. Il s'exprimait verbalement dans la salle. Ah oui. C'est toujours, tu sais, ce genre de personne qui s'exprime verbalement. Il fait oh non, quand même. Enfin voilà. Et voilà. Donc c'était marrant et en même temps pas très agréable quand tu veux suivre un film, mais en même temps. Et là, qu'à voir Inglourious Basterds, il va kiffer. Ah oui, alors. Putain, là. c'est clair que. Non, mais du coup, je me suis dit, comment tu peux avoir ce genre de film sans avoir même vu l'affiche où il y a quand même une croix gammée ou des choses comme ça, tu vois. Bref. Non, ça rajoute une petite anecdote marrante au visionnage de ce film. Malgré tout, du coup, moi j'ai trouvé le film qui. Comment dire? Je l'ai trouvé bon, mais avec Bon mais nul. quelques défauts. Quelques défauts. La réalisation de Taika Waititi qui, par moments, est plutôt intéressante. Mais je trouve que il essayait beaucoup de faire son Wes Anderson en fait. Ah oui. Et ça se sent et c'est un peu malaisant parce qu'on a vraiment l'impression de voir des plans qui sont un peu des contrefaçons de films de Wes Anderson sans la magie et la millimétrie dont fait preuve Wes Anderson. Et du coup, ça fonctionne moyen quoi. Mais par contre, je trouve que les changements de ton, quand on passe d'une comédie, enfin de la comédie joyeuse, etc., où, voilà, où on n'a plus trop l'impression d'être au Troisième Reich, et d'un coup on est ramené, par exemple, avec ces gens qui sont pendus en plein milieu de la ville, on est ramené dans la dure réalité de la guerre et du Troisième Reich. Je trouve que les changements de ton fonctionnent très bien et sont très. Très marqué, et ça te sort de ton. Enfin, moi personnellement, ça m'a marqué, ça m'a sorti un peu du fait que je regardais vraiment qu'une comédie, quoi. Je regarde pas juste une comédie, c'est vraiment quelque chose qui raconte aussi les horreurs, et heureusement, parce que je pense que s'il avait fait table rase de toutes les horreurs du Oui. Troisième Reich, ça aurait vraiment pas fonctionné, et ça aurait été pas du tout. Le même genre de film, et ça aurait été beaucoup plus gênant. Là, ça fonctionne plutôt bien, parce qu'il ne les oublie pas et enfin, il le ramène souvent à la réalité. Voilà. Mais par contre, tous les moments un peu enfin, contes modernes, etc., à la Wes Anderson, la réalisation ne suit pas trop, et j'étais un peu déçu de le voir s'enterrer dans ce genre de style, alors que c'est vraiment pas son style habituel. C'est dommage. C'est dommage d'avoir voulu faire un pastiche d'un réalisateur qui est connu quasiment de tous, hein, enfin, ça fonctionne pas, quoi. On a vraiment l'impression de regarder une version, j'aime pas trop dire ça, mais version Leader Price, quoi, d'un film de Wes Anderson. Ce côté-là est un peu dommage. Le côté comédie, moi j'ai quand même rigolé. C'est quand même assez drôle à certains moments. Tu parlais de cette scène justement, Heil Hitler, où ils doivent dire tous Heil Hitler, même C'est assez drôle, ouais, c'est très drôle. c'est vraiment drôle. Il y a des moments où on rigole bien, où même on rigole ben justement d'Adolf Hitler, quoi, de sa connerie. Et je trouve que ces moments-là fonctionnent bien. Le fait que Jojo, du coup, se retrouve avec une personne enfin, qu'il a appris à détester, la jeune Elsa, la jeune fille juive qui est cachée du coup dans sa maison. Et du coup, il y a quelque chose. Il y a un twist scénaristique pour dire que enfin, Jojo ne peut pas vraiment dire qu'il y a une juive chez lui, parce que sinon sa mère se ferait prendre par les nazis et lui aussi pour des traîtres. Donc du coup, il est un peu coincé, quoi. Il est obligé de vivre avec cette personne qu'il a appris à détester, mais qui finalement il s'intéresse de plus en plus à elle, à ce qu'elle est, même si ça vient du prisme de la haine, ça finit par se transformer en quelque chose de plus. Enfin, plus. Enfin, il commence à devenir un peu plus ami avec elle au fur et à mesure, mais ça, c'est un peu plus loin dans le film. Donc après, je vais pas raconter tout ce qui se passe. Du coup, je trouve que cette relation entre les deux, ben, fonctionne plutôt bien. Pour moi, c'est un des points du film qui fonctionne très bien en fait, et qui rend le film un peu attachant, malgré justement la réalisation qui est un peu ratée sur ces points-là, quoi. L'histoire en elle-même fonctionne plutôt bien, et les acteurs sont assez bons pour justement rendre la chose touchante et attachante. Donc voilà, moi j'ai passé plutôt un bon moment devant ce film. Il y a des défauts, mais je trouve qu'il y a aussi pas mal de qualités. La musique est plutôt cool, hein. C'est Michael Giacchino qui l'a fait, c'est pas non plus une des meilleures qu'il a jamais faites, mais je l'ai trouvé plutôt sympa, qui sortait un peu de. Enfin, il y a toujours un petit peu cette ambiance guerre, un peu, voilà, Seconde Guerre mondiale, mais. Ça, pour certains morceaux, il sort du carcan et ça fait du bien. Ça laisse respirer un peu le film. Il y a ces moments aussi de joie entre Scarlett Johansson que j'ai trouvé un peu. Enfin, Scarlett Johansson, j'ai trouvé qu'elle en faisait un petit peu trop. J'ai trouvé la mère un peu étrange, quoi. Bon, je sais qu'elle voulait essayer de. Voilà, avec son fils, d'être un peu. Comment dire, elle veut faire en sorte que même si son père du coup est parti à la guerre, il soit pas en manque d'affection, etc., ou de choses, enfin de s'étonner de non de, oh, de bref, Ouais, je ne vois pas où tu veux je en ne vois venir. pas où je veux en venir. Comment dire, de toujours regarder du bon côté de la vie, voilà, de pas Ah non oui, plus, voilà, d'être positif, positif, voilà, optimiste, c'est tout ça, ça. voilà. Optimiste, Ouais, c'est ça. même si je trouvais qu'elle en faisait un peu trop au niveau actrice, je trouve que la relation entre la mère et le fils fonctionne plutôt bien, et justement le fait que le fils sait que sa mère cache une juive dans sa maison et qu'il ne peut pas lui en parler, ça rend la dynamique assez intéressante, la dynamique de la relation. Voilà. Et puis, voilà, moi j'ai trouvé ce film plutôt bon, mais avec quelques petits défauts qui en font du coup une mini déception, parce que j'en attendais vraiment un film que j'allais vraiment adorer, quoi. Du coup, Morgane. Alors, attendez, j'ai Ouais. renversé mon café. Ah mince. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est Ok. bon. Voilà. Alors, voilà. Bon, je sais pas trop quoi dire en fait, parce que en fait, ça m'a pas plu. Je trouve que effectivement, là où enfin très vite dans le film, je me suis dit, ok, on est chez Wes Anderson. C'est pas non plus le cinéaste Que t'apprécies. que j'apprécie le plus. Ouais. D'ailleurs, là, on parlera, je pense, hein, en parlant cinéma, de la bande-annonce de son prochain film. Ouais. Mais c'est pas le genre de cinéma. Mais en tout cas, c'est son cinéma à Oui, voilà, c'est lui. ça. Il a sa Et patte, il a sa marque. il a son truc, il a son univers, effectivement, c'est barré, précis, millimétré. C'est à la fois, c'est une folie très bien Ouais, maîtrisée c'est chez Wes ça. Anderson. Et après, c'est est-ce que ça touche, est-ce que ça touche pas? Là, c'est une autre Oui, histoire. c'est ça. Donc, le problème que j'ai avec Jojo Rabbit, effectivement, c'est que j'ai l'impression d'être devant un film de Wes Anderson, sans quand même la poésie indéniable de ses films. Je trouve que Wes Anderson, il y a toujours une folie qui est habitée et qui est rendue, enfin qui est vivante par un casting qui est assez Ouais. éblouissant, qui en général c'est un casting 4 Ah oui, c'est étoiles, clair. et en général les acteurs, ils ont une espèce de joie, enfin une énergie de jeu qui est très communicative, et du coup on peut s'y attacher. Moonrise Kingdom par exemple, c'est pas un film qui me Ah, moi touche, mais j'adore. c'est agréable à Ouais. regarder. Parce que tu sens que les acteurs s'éclatent. Oui, c'est clair. Et il y a quelque Mais chose de l'ordre de la. Il y a une espèce de bonhomie en fait chez Wes pareil pour Anderson qui est plaisant. Grand Budapest Oh, Hôtel, bah hein, alors ça ça, pour le c'est. coup, c'est l'exception parfaite. J'adore ce Ouais, film, moi vraiment. aussi, c'est un Je film suis que fou de ce c'est un film. film que j'adore, j'adore, j'adore. J'adore ce film également. Et là, en fait, je me suis dit, en fait, on est chez Wes Anderson, mais juste sur la forme en C'est fait. ça, et Et c'est même la peut-être. forme est pas super. Enfin, tu sens qu'il y a des erreurs, quoi, que Wes Anderson n'aurait pas faites, justement. Oui, voilà. Et même par exemple, ça tombe parfois dans le côté un peu too much, par exemple. Même si, alors, c'est une volonté, c'est une démarche, c'est vrai. Je trouve que Taika Waititi en est clair. Ça m'a pas fait rire. Mais pas parce que je suis choqué ni Oui. rien. Parce que je trouve ça lourd, en Ouais. fait. Je trouve ça très lourd. Et on n'avait pas besoin de cette représentation fantôme imaginaire d'Hitler. Enfin, je trouve que c'est en plus une façon pour lui de se mettre en scène. Ça lui donne un peu un côté mégalo qui, pour moi, est un peu. On sait qu'il aime bien un peu faire son intéressant, Taika Waititi. Hein. Il aime bien. Hein, on le voit et c'est un peu. Enfin, comment dire, je le compare un peu à Jamel Debbouze. Tu sais, Jamel Debbouze dans, non mais dans le sens, Jamel Debbouze sur un plateau, c'est quand il est en cérémonie, c'est que lui, il faut qu'il fasse le con, ouais. Il faut qu'il machin. Là, Taika Waititi, c'est pareil, qu'en plus le mec il est cool, il le sait, il tape des pauses et tout, il joue avec son Oscar, enfin. Au bout d'un moment, c'est un peu lourd en fait. Hein. Et je dis ça alors que moi-même en soirée, je suis un peu le pit de service. Et moi-même, je me trouve chiant. Donc du coup, je suis un peu le Taika Waititi, mais sans la fortune et le talent de ce dernier. Ouais. Mais en tout cas, ce film-là, je trouve qu'il est un peu hybride quand même. Et ça m'a pas tellement plu parce que je l'ai jamais trouvé très drôle. Non, il est jamais très très drôle. Hein. Très émouvant non plus, alors qu'il y a des scènes qui veulent, notamment une scène où il est question de Scarlett Johansson. Ouais, moi, franchement, j'ai quand même cette scène-là, j'ai rien ressenti. Ouais. La seule scène où j'ai ressenti quelque chose, c'est une des scènes de fin où, alors je dis pas qui, mais Jojo Rabbit se voit sauver la vie par quelqu'un. Ouais. Cette scène-là est très belle. Ouais. Et je me suis dit que, en plus de ça, alors sacrilège, on a comparé ce film à La Vie est belle de Benigni. Oh que nenni, ah non, pas du tout. La Vie est belle, c'était drôle. La Vie est belle, c'était émouvant, c'était déchirant. Ouais. C'était, il y avait une espèce d'euphorie, c'était feel good. J'ai pas trouvé ça très feel good en fait. Je trouvais qu'il y avait des moments où le film avait, voilà, c'était intéressant, c'était bien exécuté. Je dis pas le contraire. Mais par rapport à, encore une fois, tout ce que le film nous promettait et les retours qu'il y a eu, je me suis dit, je pense que je suis passé peut-être à côté. Et voilà. Mm. Par contre, l'Oscar du meilleur scénario adapté, ça me paraît pertinent. Oui, oui, oui, c'est vrai. Ça me paraît pertinent parce que, autant je suis pas fou du film, je trouve bof en fait. Si vraiment je dois résumer mon avis, c'est moi bof. Mais c'est quand même plutôt bien écrit. Mmh, c'est, oui. Je suis pas rentré dedans, mais là c'est moi, c'est personnellement qui je suis pas rentré dedans, mais en tout cas je trouve que c'est quand même bien écrit et assez risqué finalement. Oui. Même si c'est pas utile dans l'idée de mettre voilà Hitler machin comme ça, mais c'est risqué et mine de rien je peux comprendre qu'on rentre dans le délire. Mais moi je suis pas rentré dedans. Ouais bien sûr. Ouais. Mais oui par exemple. J'avais pas parlé, mais justement de faire des citoyens allemands qui ont été endoctrinés dans cette idéologie dégueulasse, des personnes un peu humaines, tu vois, genre qui sont juste fait avoir, ça rend le, enfin je pense plutôt à cette, tu vois, à cette dernière scène quoi, à cette scène dont tu parlais avec le personnage qui est assez intéressant justement. Qui en fait on sait pas si on doit être triste ou heureux ou les deux, tu vois, et le fait d'être le cul entre deux chaises comme ça pour le spectateur, je trouve que c'est assez intéressant et ça aurait, je trouve que le film aurait mérité d'avoir plus de moments de ce calibre là en fait. Donc je pense qu'il gâche un peu les trucs qu'il aurait pu exploiter, il les gâche un petit peu, il les avorte un peu trop vite, il va sur des pistes, voilà. Par exemple, la deuxième partie, je la trouve un peu, voilà, même cette idylle amoureuse et tout, enfin, c'est un peu, il tombe amoureux, c'est pas spécialement intéressant, c'est pas ce chemin-là vers lequel j'aurais voulu que le film aille, en fait. Mmh. Après, bon, faut prendre le film, faut juger le film pas par rapport à ce que t'as envie de voir, par rapport à ce qu'il est, et je trouve que même par rapport à ce qu'il est, je trouve que la deuxième partie quand même un peu laborieuse. Ouais. Oui, je comprends. Et oui, le fait d'avoir, par exemple, utilisé des versions, par exemple, il y a la version allemande des Beatles ou des choses comme ça, c'est assez. Enfin, je trouvais ça étrange, mais en même temps, je trouvais que ça rentrait bien dans le film. Donc voilà. En tout cas, voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur ce film. Je vais pas. Honnêtement. C'est un film, je suis ressorti, je ne savais pas trop quoi en penser, et finalement, plus j'y repensais, plus je me dis, j'ai bien aimé, mais il y avait quand même des problèmes qui m'ont gêné durant ce film, et qui font que je suis pas autant, j'ai pas autant apprécié que j'aurais voulu apprécier ce film. Donc c'est un film qu'on a quand même envie d'aimer, parce qu'on se dit, c'est original quand même. Juste pour la démarche, l'originalité de la démarche, et le fait que ce soit produit par Fox, enfin tu vois, c'est quand même un gros film, c'est pas un petit film indépendant, donc voilà, j'ai encouragé la démarche, mais peut-être revoir un petit peu certains points qui sont un peu dommages, quoi, donc voilà. Bref, on a fini du coup sur le film du mois et on va passer tout de suite à la dernière rubrique de ce podcast qui est Waouh! et la Minute Nerd, c'est parti. On est à la dernière rubrique de ce podcast, c'est la Minute Nerd, et du coup c'est à mon tour, et j'avais envie de vous parler d'une série de jeux vidéo que j'aime beaucoup, même si je n'ai pas fini le dernier chapitre de cette saga, de cette trilogie plutôt, et du coup en fait j'ai fini le 2 hier, au moment où je vous parle, donc voilà. Je suis sûr de savoir ce que c'est. Ah bon? Comment ça s'appelle? C'est BioShock? Ah non, c'est presque... Ah! C'est Mass Effect. Ah, Ouais, d'accord. Mass Effect, du coup, c'est un film, j'allais dire. On parle trop de films dans ce podcast, je trouve. C'est un jeu vidéo. J'ai parlé des frangines la Oui, dernière fois, voilà. là. C'est ça. D'ailleurs, aucun retour, hein. Personne n'a. Bon, je vous Et pourtant, comprends. je l'ai mis, hein, la chanson en entier. Donc. Ouais, mais je vais parler d'un autre truc, mon prochain. Ça va être aussi musical et pour le coup, c'est du lourd. Ok. Pour revenir à Mass Effect, du coup, c'est une série de jeux d'action RPG qui a commencé en 2007 avec le premier, qui est sorti en exclusivité d'abord sur Xbox 360, puis un an après sur PC et PS3. Les trois jeux sont disponibles sur PC, c'est là où j'y joue. J'avais joué au premier justement sur Xbox 360, j'avais pas passé un mauvais moment, mais là justement j'étais curieux de voir, après avoir passé un petit moment sur PC, d'essayer d'y rejouer sur Xbox 360, et c'était absolument atroce puisque y a pas, enfin, y a beaucoup de lag, c'est très saccadé puisqu'on est sur une console du coup du coup sur PC vous avez le droit aux 60 FPS et à des graphismes un peu plus sympathiques, sachant que le jeu est sorti en 2007. Je pense que n'importe quelle bécane actuelle peut le faire tourner sans gros problème, même le deuxième et sûrement le troisième. Même s'il faudra peut-être réduire un peu les effets dans le troisième pour y jouer convenablement sur une machine raisonnable. Mais voilà, franchement, moi je vous conseille d'y jouer sur PC. Si vous pouvez, c'est vraiment le meilleur moyen de profiter du jeu. Voilà. Du coup, Mass Effect, comme je l'ai dit, c'est un jeu de science-fiction. Qui a été d'abord développé. Enfin, le concepteur du jeu est Casey Hudson, et celui à qui l'on doit son scénario, puisque une des choses les plus importantes de Mass Effect, c'est quand même son scénario, puisqu'il est assez justement massif, il est vraiment très bien écrit. L'univers est dense, complet. On a vraiment l'impression de pouvoir s'y perdre, puisqu'il y a une source d'information absolument incroyable. Du coup, l'auteur, c'est Drew Karpyshyn, qui avait écrit des romans de Star Wars, apparemment, qui font, d'après ce que j'ai lu, partie des meilleurs de ce qui a été écrit. En tout cas, dans ce qu'il a écrit sur Mass Effect, je trouve que c'est vraiment un auteur de talent, puisque c'est un jeu où on incarne un humain du coup qui se retrouve un peu projeté sur le devant de la scène intergalactique, puisque les humains sont un peu les nouveaux arrivants dans la galaxie. Ils ont découvert la vitesse supraluminique assez récemment. Et ils essayent de faire leur place dans le conseil, dans le conseil intergalactique, c'est-à-dire plutôt toute la politique intergalactique. Ils essayent de faire leur place à travers toutes les races aliens qui sont déjà là et qui sont pour leur part très intéressantes en fait, très et très. En fait, elles suivent pas des règles pour la plupart humanoïdes. C'est un peu comme dans Star Trek ou dans Star Wars, un peu moins dans Star Wars puisque les races aliens sont un peu moins développées, mais c'est assez vrai que c'est un peu un mélange des deux. C'est-à-dire qu'on a vraiment des races aliens qui sont vraiment développées et assez intéressantes. On peut si, elles réfléchissent pas comme des humains, en fait, pour la plupart. Elles ont leur propre société, leur propre religion, leur propre façon de penser. C'est pas les humains qui sont les petits nouveaux qui vont les faire, leur faire changer d'avis, quoi. C'est vraiment, on est vu comme des petits joueurs, quasiment des moins que rien pour la plupart. Du coup, c'est avec ce postulat-là qu'on va prendre en main le commandant Shepard ou la commandante Shepard si vous décidez de jouer une femme, puisqu'on peut vraiment modeler son personnage comme on veut et choisir un homme ou une femme. Et son background rapidement, hein, c'est pas très. On choisit pas précisément d'où vient le personnage, mais on a des petits choix qui permettent de. D'aligner le personnage dans la façon dont on veut le jouer, en fait, ça se développe au fur et à mesure. Ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, quand vous créez votre personnage sur le premier, vous le reprenez sur le 2 et vous le reprenez sur le 3. Les actions que vous avez effectuées, par exemple dans le 1 et dans le 2, dans le 3 se répercutent. Et c'est ça qui est super intéressant. C'est un peu. Je trouve que c'est très intéressant parce que ça fait des parties assez uniques. Voilà. Moi, personnellement, j'ai joué plutôt un commandant Shepard du côté du bien. Voilà. Je voulais pas. Voilà, je voulais prendre des décisions justes et sauver le maximum de personnes. J'ai à peu près réussi. Ce qui est intéressant, justement, dans Mass Effect, c'est du coup, on a ce commandant Shepard qui veut. Pour résumer très basiquement, est le premier humain d'une police intergalactique qui est un peu au-dessus des lois et qui essaye de résoudre différentes affaires. Et là, il va s'attaquer à un problème, c'est-à-dire que y a une race alien qui veut à peu près tout détruire pour vraiment être très basique. Qui essaye de contrôler un peu tout le conseil, un peu voilà. Je vais pas aller non plus dans les détails. Je sais que les gens qui auront joué au jeu me diront mais tu parles pas des moissonneurs, de tout ça. C'est pas voilà. Je veux pas compliquer la chose encore plus. Le truc c'est que c'est pas compliqué en soi. C'est juste que c'est tellement bien écrit que quand on le joue, quand on le vit, on a vraiment ça coule de source en fait, mais après l'expliquer, personnellement, j'ai un peu plus de mal à expliquer d'où viennent tout ça, d'où viennent les menaces, etc., quels sont les enjeux. Honnêtement, c'est super intéressant, même si ça reste un plot un peu basique, hein, c'est sauver la galaxie d'une destruction ou d'une annihilation. C'est plus compliqué, plus complexe et plus intéressant que ça, clairement. Ce qui est intéressant dans Mass Effect, c'est qu'on joue du coup le commandant Shepard ou la commandante Shepard, et on a notre vaisseau, du coup le Normandie. Dans celui-ci, en fait, on a un équipage avec qui on peut interagir. C'est vraiment assez développé, c'est-à-dire qu'on peut avoir des relations amicales ou amoureuses, ou alors être vraiment haï de certains de ses camarades, enfin ses coéquipiers, quoi. Moi j'ai eu le cas, malheureusement, une personne de mon équipage, je dirais pas laquelle pour pas spoiler, mais une personne de mon équipage dans Mass Effect 2 m'a haï alors que j'essayais d'être ami, en fait. J'ai été un peu dégoûté, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu justement, et c'est ça qui le rend très intéressant. Honnêtement, moi je vous conseille vraiment ce jeu si vous intéressez à des. Enfin, si les jeux de. Fa... de... Les jeux RPG slash action, sachant que le côté RPG est pas trop poussé non plus, ça va. Pour ceux qui n'ont jamais joué à un RPG, c'est pas très compliqué. Peut-être le premier. Un peu plus poussé sur ce point-là, c'est-à-dire que au début, si on veut jouer un sniper et qu'on n'a pas mis les bons points dans les points de caractéristiques dans ce qui permet de faire un bon sniper, il va tirer à côté la plupart du temps. Et c'est un peu, t'es pas encore assez habilité à jouer avec un sniper. Voilà, c'est ce genre de choses. Mais et du coup, c'est très bien poussé, c'est très intéressant. Donc, il faut être un peu intelligent dans ses choix de points à consacrer à son personnage, dans quelle direction on veut l'amener. Mais du coup, je trouve ça super intéressant. Le système de jeu est vraiment bien. À partir du 2, ça devient un peu plus du coup de l'actionneur. Du coup, on tire vraiment. Dans le premier, on tire aussi vraiment, c'est vraiment de l'action. Mais voilà, l'aspect RPG a un peu diminué, même s'il est encore assez présent. Et du coup, dans le 3, je ne sais pas, mais apparemment, je crois qu'ils sont partis encore un peu plus dans l'actionneur, tout en gardant leur côté un peu RPG quand même, puisque c'est, à la base, c'est BioWare qui fait ce jeu, donc c'est quand même des personnes qui ont fait d'excellents jeux. D'excellents jeux RPG sur PC, que ce soit Baldur's Gate, Neverwinter's Night, Star Wars Knights of the Old Republic, Dragon Age. Malheureusement, récemment, BioWare est un peu dans le marasme, hein, avec le fiasco qui a été Mass Effect Andromeda, dont je ne parlerai pas ici, puisque déjà je n'y ai pas joué, et ensuite ça fait plus partie de la trilogie Mass Effect, c'est un jeu à part. Voilà, et donc il y a eu pas mal de problèmes là-dessus, et récemment encore avec Anthem en 2019, qui a été leur dernier gros jeu annoncé, ils ont eu énormément, énormément de soucis dessus. Donc c'est un peu dommage de les voir se planter comme ça, sachant qu'ils avaient. Enfin, c'était des gens qui savaient vraiment faire des bons jeux RPG sur PC. Mass Effect, c'est un peu leur dernière trilogie, enfin, leur dernière trilogie vraiment réussie, quoi, avant le Andromeda. Et voilà, donc moi je vous conseille d'y jouer si vous aimez ce genre de jeu, c'est vraiment passionnant, c'est prenant. Moi j'ai pris sur le premier, j'ai dû avoisiner les 20-25 heures, et sur le deuxième, là j'y suis à 30-35, quelque chose comme ça, parce que j'aime beaucoup faire les. Il y a beaucoup de quêtes annexes, et enfin, beaucoup, ça va encore, c'est pas non plus trop. Il n'y a pas. Énormément de quêtes annexes, mais il y en a quand même quelques-unes, et du coup, c'est assez. Moi, comme j'aime bien finir les jeux souvent à autant de pourcents que possible, quoi, humainement possible en tout cas, voilà, j'ai passé 35 heures dessus, des 35 heures magnifiques où j'ai découvert un univers, enfin, je l'ai encore redécouvert cet univers, puisque déjà dans le premier, c'était assez développé. Et dans le deuxième, ça se développe encore plus, et je suis très très impatient de pouvoir jouer au troisième, que j'ai du coup acheté très récemment. En plus, actuellement, il y a des soldes donc sur Origin pour vous pouvez avoir les trois pour une quinzaine d'euros. Donc, ouais, Origin en ce moment, ils se font plaisir. Ouais, ouais, ouais. Ouais, j'ai acheté les Sims 4, j'y ai joué une fois. Ouais. Et ben voilà, on a fini avec la Minute Nerd. Et on va se diriger tout simplement vers la fin de ce podcast. C'est parti. On est donc à la fin de ce podcast. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'à la fin. Du coup, on vous rappelle un peu tous les liens où vous pouvez nous retrouver. Sur moviesnerd.net, c'est le site où vous pouvez retrouver nos critiques, nos émissions audio et vidéo. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter. Donc Facebook, c'est moviesnerd, Twitter, c'est movies_nerd. Et Instagram moviesnerd_officiel. Vous pouvez nous contacter par mail, c'est contact@moviesnerd.net. Vous pouvez noter le podcast sur iTunes, ça nous permet de monter dans les classements. Vous pouvez écouter du coup ce podcast et Parlons Cinéma sur les plateformes, que ce soit du coup iTunes, PodCloud, Spotify, Deezer, TuneIn et j'en passe. Voilà. Et normalement ils sont sur toutes ces plateformes. Je crois que j'ai tout dit. Pour moi, personnellement, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Sens Critique, Movies Nerd. Et Instagram, TheLexal, THELEXAL. Voilà. Morgane, vous pouvez le retrouver sur Sens Critique. C'est quoi mon pseudo Sens Critique? Oui, c'est ça. C'est Mogo Sheridan, voilà. Ouais. C'est tout. Ah bah non, Twitter aussi, @CinéMorgan, bien sûr. Et puis c'est tout. Ok, très bien. Voilà, on vous remercie encore d'avoir écouté jusqu'au bout. On vous retrouve très prochainement pour un podcast, le podcast du mois de février. Et aussi un Parlons Cinéma qui devrait arriver, j'espère prochainement. Voilà, du coup, on vous souhaite une bonne journée. Et puis à la prochaine. Ciao. Ciao. Il en reste en enfer. Heureusement, mes essuie-glaces. nettoie les larmes du ciel.